France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, qui a eu la peau des tramways ? Observez attentivement une photo ou un film montrant New York, Paris ou Londres au détour des années 20, et vous les verrez partout. Des centaines de tramways électriques sillonnent les rues en tous sens, transportant par wagons entiers les habitants des périphéries jusqu'au centre et des foyers jusqu'au travail. Mais 30 ans plus tard, ils se sont évaporés. Oui, les tramways ont disparu avant que certaines villes ne les remettent au goût du jour et en redécouvrent toute l'utilité si précieuse en ces temps de crise écologique. Mais que de temps perdu! Les grandes métropoles occidentales des années 60 sont devenues un enfer. Des centaines de milliers d'automobilistes polluants ont pris d'assaut les centres-villes. À la fin des 60s, le réveil est brutal. Et aux États-Unis, la disparition du tramway électrique fait l'objet d'un véritable scandale politique. Une enquête est mandatée par le Congrès et le coupable est tout désigné la toute puissante General Motors et ses amis de l'industrie pétrolière et caoutchoucière. Théorie conspirationniste ou confirmation de la voracité de l'industrie de la bagnole. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Errand, maître de conférences émérite à l'Université de Lille, spécialiste en économie des transports et en urbanisme. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur les moyens de transport urbain et sur la résistance au tout automobile. Affaires sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct. Récit documentaire, Bastien Jans, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation David Leprince. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Une voiture à Los Angeles, mais on a le meilleur système de transport public au monde. Le meilleur système de transport public au monde, dit l'acteur Bob Hoskins en 1988 dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Dans ce film où les Toons, les personnages de dessins animés, donnent la réplique à des comédiens en chair et en os, il y a forcément un méchant qui forcément ourdit un plan machiavélique. La peau qu'il veut, ce juge d'abord. C'est d'abord celle des Red Cars, le surnom des tramways de Los Angeles. Je vois un endroit où les gens pourront aller et venir depuis l'autoroute. Aller et venir, venir et aller toute la journée et toute la nuit. Bientôt, là où toute ville s'élevait autrefois, on verra une rangée de stations d'essence. Quelques motels bon marché, des restaurants qui servent rapidement des plats tout prêts, des stands d'exposition. Automobile, des rechanges de pneus et de magnifiques, magnifiques panneaux d'affichage pouvant être vus jusqu'à la ligne d'horizon. Mon Dieu! Mais personne ne prendra sa voiture pour rouler sur votre autoroute tant qu'ils auront le bus rouge pour 5 sous. Ils prendront leur voiture. Ils y seront forcés. Vous voyez, j'ai acheté les bus rouges pour les faire disparaître. Démanteler les réseaux de transport public pour pousser les gens à acheter des voitures. Le scénario paraît farfelu. Il est pourtant inspiré d'une histoire vraie, du moins d'une théorie largement partagée aux États-Unis et à Los Angeles. Dans les années 40, en effet, la National City Lines, une filiale du géant de l'automobile General Motors, rachète les unes après les autres des centaines de compagnies tramway avant de les démanteler et de les remplacer par des autobus. Goodbye, rail et caténaire, hello, bus, pétrole et pneumatique. À Los Angeles, la cité de la voiture, la ville de la culture drive-in, mais aussi des embouteillages monstres et de la pollution, forcément. Cette histoire de complot a de quoi agiter les esprits. Car il faut se faire une idée de ce qu'est le transport dans cette ville à la fin des 80s. En 93, alors que se termine le chantier de la Century Freeway, dernier tronçon complétant les 1000 km d'autoroute Mayo-Los Angeles depuis les années 60, la première ligne de métro est mise en service. La nostalgie des tramways et la théorie relayée par le film Qui veut la peau de Roger Rabbit ravivent une vieille querelle aux USA. Qui a eu la peau des transports publics ? Pour le comprendre, il faut remonter le temps et élargir le spectre. Car si complot il y a, il est universel. De Los Angeles, nous passons maintenant à Paris. Nous sommes en octobre 1928. le 22e salon de l'automobile de Paris ouvre ses portes au Grand Palais. De la Concorde au rond-point des Champs-Élysées, les quais de Paris se sont transformés en un immense garage où on peut venir admirer la nouvelle Amilcar, la 8 cylindres de Berthier, de Bugatti ou encore la 32 chevaux de Renault. Le président de la République, Gaston Doubergue, et de nombreux ministres viennent pour des déclarations plus qu'optimistes quant à l'avenir de la voiture en France. Enflammés même. En 1931, promet-on, il y aura 5 millions d'automobiles, soit une pour 9 habitants. Dans les colonnes de Paris Soir, le poète Jean Valmy Besse, grand commentateur mondain, se réjouit. Revenons au présent, qui ne manque pas cependant de charme, et qui nous sera encore plus précieux si, comme l'a souhaité le baron Pétier, à ce même banquet, on limite l'action des tramways et des autobus dans le centre de Paris. J'ai naguère versé un pleur sur la disparition de l'impérial, mais j'avoue que la mise en réforme de ces grosses machines sur rails me laisserait les yeux secs. Elles sont toujours au complet, aux heures où l'on a le plus besoin d'elles. Ainsi, le tramway suivant le fiacre dans sa retraite, l'automobile recueillerait naturellement leur succession. Le problème de la circulation à Paris serait ainsi en partie résolu. Ce baron Petit, qui a le réseau de tramways et d'autobus dans viseur, n'est autre que le président du salon de l'automobile et de la chambre syndicale des constructeurs de voitures. Un poste qu'il conservera jusqu'en 1953. Autant dire que sa voix, autrement dit celle du lobby de l'automobile, a du poids. D'autant que le tramway ne plaît pas à l'élite urbaine, qui ne l'emprunte pas d'ailleurs. Un sentiment relayé quotidiennement par tous les journaux, qui s'insurge contre la présence de ces pachydermes du rail, qu'on trouve stupides et pesants, en plus d'obstruer la chaussée. À cette époque, Paris et sa banlieue sont desservies par un immense réseau de tramway. 122 lignes, soit 960 km, qui relient le centre de la capitale jusqu'à Versailles, Montrouge, Aubervilliers, Gennevilliers, Sèvres, Courbevoie. Oui, le Grand Paris est alors une réalité. Certes, le réseau est coûteux en maintenance. La toute nouvelle STCRP, ancêtre de la RATP, est déficitaire et d'importantes dépenses ont été engagées au début des années 20 pour moderniser les lignes. Un investissement pertinent, puisqu'en 1928, plus de 727 millions de franciliens ont emprunté le tramway, ce qui est un record. Il aura fallu plus de 60 ans pour rationaliser, uniformiser, parfaire le plus grand réseau de transport public au monde, avec celui de New York. Eh bien, il faut moins de 10 ans pour le démanteler entièrement. Tout le monde débarque, prenez le tramway suivant, celui-ci va pas plus loin. En 1929, en effet, le conseil municipal de Paris décide la suppression de toutes les lignes de tramway intramuros. La STCRP s'exécute et les remplace par des autobus plus petits, plus inconfortables, soumis aux ailes du trafic, mais modernes. D'ailleurs, ça tombe bien. André Mariage, qui dirige la STCRP, est un camarade de Louis Renault. Ils se sont connus à l'école centrale. Et il se trouve que Renault fabrique des omnibus montés sur pneumatiques. Bref, on s'arrange, gagnant-gagnant, sauf pour l'environnement, dont on se soucie comme de sa première chemise. Dans un rapport publié 40 ans plus tard, on mettra au jour la connivence financière entre les décisionnaires publics et les industriels de l'automobile et du pétrole. On appelle ça un conflit d'intérêts. En 1935, il ne reste plus que 55 lignes de tramway, toutes extramuros. Celles-ci ne gênent pas la circulation. Elles sont bâties en site propre, c'est-à-dire à côté des chaussées réservées aux voitures. Mais peu importe, on les remplace tout de même par des bus Renault. En 1937, le dernier tramway parisien rentre au dépôt. Deux ans plus tard, la guerre éclate, Paris est occupé, l'essence est rationnée et les tramways, inévitablement, viennent à manquer. L'essence est devenue précieuse, économisons-la. Au hall, la charrette à bras est reine. Paris se trouve ainsi privé de ses transports habituels, mais, et ces images le prouvent, il n'y a pas plus ingénieux et débrouillard que le parisien. L'imagination aidant, les véhicules les plus hétéroclites ont vu le jour. Les parcs d'auto sont devenus de démocratiques garages de vélos. Même les vieux sapins de notre enfance connaissent une vogue nouvelle. Ce nouveau genre de pousse-pousse taxi est également très demandé. Il nous faut parler maintenant d'un homme qui, de l'autre côté de l'Atlantique, va jouer un rôle prépondérant. Un certain Edwin G. Quinby, fortement influencé par l'exemple des tramways parisiens. C'est un fan du trolleybus, ce croisement étrange entre un bus et un tram, qui roule sur pneumatique, mais qui est tracté par l'énergie électrique, connecté comme un tramway au fil suspendu. L'ingénieur en est tellement amoureux qu'il choisit, après l'obtention de son diplôme universitaire, de devenir conducteur de trolley. Faut dire que Quinby est un excentrique, un obsessionnel du transport en commun, du genre à se battre des années pour le maintien d'une liaison par bateau à Aube ou à inventer un prototype de voiture électrique dans son sous-sol. En 1946, il est porté par une certitude. Un grave danger menace. Alors, Nimby 2, il prend sa machine à écrire et rédige un pamphlet de 32 pages dont il tire des dizaines d'exemplaires grâce à sa renéotypeuse de fortune. Il envoie son document à des membres du Congrès, à des maires et autres directeurs municipaux à travers tout le pays. Son papier commence ainsi. Ceci est un avertissement urgent à chacun d'entre vous. Il y a une campagne soigneusement, délibérément planifiée pour vous escroquer de l'un de vos services publics les plus importants et les plus précieux, votre système de chemin de fer électrique. Le plan consiste à détruire délibérément des services publics de grande valeur qui représentent des investissements importants et qu'il vous sera impossible de remplacer après avoir découvert votre erreur, si vous autorisez cette destruction. Ce qu'expose Quinby relève d'un complot d'État. L'ingénieur montre en effet chiffres et preuves à l'appui les manœuvres en cours d'un groupement d'industriels bien déterminés à en finir avec ce cher tramway. Le consortium pétrole, caoutchouc, autobus est directement responsable, écrit Quinby en lettres capitales avec son style véhément. Mais l'homme est précis dans ses accusations. Sont mis en cause les agissements de la National City Lines et de l'American City Lines. Ces deux compagnies, en vérité, n'en font qu'une. Elles ont été créées dans les années 30 par les frères Fitzgerald, deux entrepreneurs du Minnesota, qui voulaient investir dans les transports en commun de leur ville, en installant des lignes de bus là où le tramway ne pouvait s'aventurer ou là où on ne voulait plus qu'il s'aventure. Sur leur route, les Fitzgerald trouvent des partenaires de choix et avec eux, leur appétit s'est ouvert à toute l'Amérique. En 1946, Quinby dissèque la composition de l'actionnariat des deux sociétés des Fitzgerald qui possèdent à présent 46 réseaux de bus dans 45 villes et 16 États des États-Unis. Un cocktail pour le moins détonnant. On trouve parmi les actionnaires majoritaires la General Motors, l'autobus donc, la Phillips Petroleum et la Standard Oil, le pétrole et Firestone Tire, le caoutchouc, en gros. Tout ce qui a pollué nos villes pendant des décennies. Et pour Quinby, le schéma est très simple. Leurs méthodes sont souvent subtiles, insidieuses, mais implacables. Vos journaux publieront de plus en plus d'articles ridiculisant votre système de chemin de fer électrique, critiquant son fonctionnement, affirmant qu'il est usé, dépassé et qu'il devrait être mis au rebut pour faire place à des autobus modernes. Vous remarquerez probablement qu'aucune suggestion n'est faite pour préserver le chemin de fer électrique intact, de sorte que si les autobus sont essayés pendant une période appropriée et qu'ils s'avèrent insuffisants, vous ne puissiez reprendre les opérations du chemin de fer électrique. La méthode établie consiste à arracher immédiatement les voies, à démanteler les câbles électriques et à brûler les wagons dès que les bus sont mis en service. Vous vous retrouvez donc coincé avec les bus, que vous les aimiez ou non. Il n'y a alors aucune chance de corriger votre erreur. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises, au grand dam des citoyens, dans de nombreuses villes de notre pays. L'appel de Quinby, semble-t-il, touche quelques oreilles attentives. Car en 1947, un grand jury de Californie met en accusation 9 entreprises pour conspiration en vue d'acquérir le contrôle d'un certain nombre de sociétés de transport en commun et de constituer un monopole dans le domaine des transports ainsi que dans la fabrication et la vente d'autobus. La National City Lines, l'American City Lines, mais aussi General Motors, Firestone, Standard Oil et Phillips Petroleum sont appelés à la barre. Le grand scandale des tramways américains est éclaté. With my high starch collar and my high top shoes and my hair piled high up on my head, I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With in his bright green tie. He was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to ten, then I counted to ten again. Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heartstrings. For the moment I saw him, I fell. Chug, chug, chug went the motor. Bump, bump, bump went the brake. Thump, thump, thump went my heartstrings. When he smiled, I could feel the car shake. He tipped his hat and took a seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Flop, flop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. As he started to go, then I started to know how it feels when the universe reels. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Flop, flop, flop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. Vous écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui. Qui veut la peau des tramways ? Affaires Sensibles. C'est la voiture maniable, facile à dégager, la voiture idéale pour la ville. Regardez comme elle est facile à garer. Quel démarrage ! Quelle accélération ! Je vous passe le volant. Fabrice Drouel. Lors du procès de la General Motors et de ses comparses accusés de conspirer pour acquérir une situation de monopole sur le transport en commun américain, et selon la théorie de Queen Bee, de les détruire ensuite, les débats sont tendus et techniques. Certes, il est évident que l'industrie de l'automobile, du pétrole et du caoutchouc réunis, soit ceux qui rêvent de motoriser le monde, comme le clament les publicités des années 30, ont pu avoir de sérieuses raisons de voir dans le tramway électrique un obstacle à abattre. Dans les années 20, aux États-Unis, 90% des déplacements se font par voie ferrée. Le tramway américain, c'est alors 1200 lignes, 71 000 km couverts, 300 000 employés, 15 milliards de passagers par an et 1 milliard de dollars de revenus. Au début des années 40, quand la National City Lines se met à les racheter, la situation des compagnies tramway a tout de même changé. Le tournant est intervenu en 1935, quand le Congrès américain a adopté une loi visant à réguler le marché de l'électricité. Ainsi, les toutes puissantes compagnies ont été obligées de vendre les sociétés de tramway qu'elles possédaient, alors, dans un mariage de raison. Conséquence, les compagnies de tramway se retrouvent seules et au bord de la faillite, faisant face à la défiance des élites urbaines. Et les citoyens de la classe moyenne ne sont pas en reste, eux qui rêvent à présent de garer leur voiture à l'avant d'un petit pavillon de banlieue, bien plus que de s'entasser dans des buildings desservis par les trams. Pour tout le monde, l'alternative de l'autobus, moins cher en investissement, moins difficile à rentabiliser, s'impose. Le public a voté la mort du tramway. C'est dans cet interstice, justement, que les frères Fitzgerald font fortune. Et puis un détail retient l'attention des jurés. C'est une ligne problématique glissée dans les contrats qui lient le constructeur automobile au promoteur de la National City Lines. À savoir, contre l'investissement de General Motors, la National City Lines s'engage à investir dans des véhicules à moteur à explosion. Autrement dit, des bus, essence ou diesel. Dans la montagne de papier qui lie entre elles ces entreprises, la disparition à venir du tramway électrique est écrite noir sur blanc. Voilà qui est suffisant pour condamner la General Motors à une amende de 5 000 $, donc symbolique. Le grand procès des tramways américains accouche d'une souris. Pour autant, et au passage, la prophétie de Queen Bee se réalise, le tramway américain disparaît. We must leave you now. Nous devons vous laisser maintenant. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, à bord d'un des derniers trains électriques urbains de l'ouest des États-Unis. Dans l'air de Los Angeles, c'est la toute dernière ligne de la Pacific Electric qui va bientôt disparaître. 1961, Los Angeles, le dernier Red Cars rentre au dépôt. Près de 40 ans plus tard, dans le documentaire Taken for a Ride, diffusé en 96 sur la chaîne publique PBS et qui prend fait et cause pour la théorie de la conspiration de General Motors, un ancien cheminot de la Pacific Electric et un manager de la National City Lines témoigne. De combien de temps les Fitzgerald ont eu besoin pour se débarrasser des tramways ? 90 jours. Non, je ne plaisante pas. Est-ce que les tramways étaient rentables à Los Angeles ? Bien, après que j'y sois allé pour couper des têtes, nous avons fait de l'argent, réduire les distances, vendre les propriétés, réduire l'entreprise. Ils ne retirent pas complètement le service. Ils le réduisent seulement. Ils le font passer de 10 minutes à 12 minutes, et de 12 à 15, de 15 à 20, de 20 à 30. Et moins le service est attractif, moins il a d'usagers. Et à ce moment-là, ils disent, vous voyez, on ne peut pas faire de profit. Et puis ils nous abandonnent. La logique de pourrissement de la National City Lines est diablement efficace. Dans les années 50, elle démantèle 100 lignes de tramway dans près de 45 villes. Parallèlement, en 56, le président Eisenhower décide de l'ouverture du plus grand chantier de l'histoire des États-Unis, la construction de plus de 60 000 km d'autoroutes, tissant un immense réseau d'asphalte entre les villes américaines, condamnant aussi plus d'un million de personnes, souvent habitants des quartiers les plus défavorisés, la plupart du temps les quartiers noirs, à être déplacés. Il n'y a pas de construction d'autoroutes sans ségrégation. Dans l'Europe occidentale de l'immédiate après-guerre, en pleine reconstruction et sous perfusion de l'argent de Washington, le tramway électrique vit aussi ses dernières heures. En France et au Royaume-Uni, par exemple, une cinquantaine de réseaux perdurent après-guerre, mais les sociétés qui les gèrent ne reçoivent aucune subvention publique. Non, elles doivent investir pour se moderniser, mais être rentables pour se maintenir à flot. Résultat, au début des années 60, il ne reste plus que trois lignes de tramway en France, une en Angleterre, comme en Espagne d'ailleurs, au Portugal et en Italie ou en Allemagne de l'Ouest. Oui, de l'Ouest seulement. Partout, l'Amérique assoit son influence, les autobus diesel s'imposent. Partout, l'Amérique arrose de ses dollars, advient l'ère du tout automobile. En France, le développement effréné de la voiture ne connaît aucune limite. En 1953, seulement 20% des ménages en ont une. 10 ans plus tard, on approche les 50%. Dans les villes, on coupe les arbres et on aménage les places publiques pour accueillir boulevards rapides et parkings. En 1960, fort est de constater que la disparition des tramways n'a pas fluidifié la circulation dans les grandes villes. L'ORTF consacre alors un gros dossier à la question. Lyon a aussi ses problèmes de circulation. Le nombre des véhicules ne cesse d'augmenter, comme partout. Malgré la mise en place du magnifique axe nord-sud, aux heures de pointe, il est assez difficile d'accélérer le rythme du mouvement des voitures. Problème du stationnement également, il existe bien sûr une zone bleue, comprise entre le Rhône et la Saône, dans la partie appelée la Presqu'île. Elle est secondée, pourrait-on dire, par deux parkings payants. Mais cela n'empêche nullement les voitures de descendre jusque sur les berges du Rhône pour trouver un refuge. De grands travaux sont actuellement en cours pour améliorer cette circulation, pour donner à Lyon un aspect moderne en enlevant des rues de cette ville, les pavés et les rails de tramway que l'on y trouve encore trop souvent. Et l'heure n'est pas à remettre en cause le développement de l'automobile. Au contraire, les années 60 marquent le début d'un sidérant déclin des transports collectifs. À Paris, par exemple, le remarquable réseau de tramway a laissé place à un réseau de bus très défaillant. Lent, inconfortable, peu fiable. Les bus comptent de moins en moins d'usagers. En 15 ans, leur nombre passe de 900 millions par an à 500 millions. Partout en France, suivant le même schéma, les réseaux déclinent et la voiture individuelle s'impose. Parce que la voiture, mesdames, messieurs, c'est le progrès, qu'on se le dise. Et les présidents de la République le rappellent chaque année à l'occasion du Salon de l'Automobile. de la bonne santé de l'industrie de la voiture dépend le sort de l'économie française. C'est d'ailleurs mi inquiet, mi fasciné que l'on observe de loin le développement de la General Motors, le plus grand fabricant automobile du monde, véritable incarnation de la puissance du modèle américain, liberté et grosse cylindrée. À l'heure où le problème des investissements américains en Europe se pose d'une façon aiguë et suscite des remous spectaculaires dans le monde de l'automobile, 5 colonnes à la une a voulu vous montrer ce qu'est une entreprise à l'échelle américaine. General Motors, cela veut dire 640 000 ouvriers, plus que la population de Marseille, 8 000 milliards de francs, à peu près le budget total de la France. Le revenu personnel du président, M. Donner, s'élève à lui seul à 1 million par jour, ce qui lui laisse impôts déduits environ 100 millions par an. Le propos qui arrive s'inscrit en 1968, il pourrait s'inscrire aujourd'hui. Sur les boulevards et les berges parisiennes, à toute heure de la journée, 5 à 6 files de voitures circulent à moins de 4 km/h, jouant du klaxon et crachant leur fumée, sauf sur les berges aujourd'hui. La façade de Notre-Dame, comme celle du Louvre ou du Panthéon, est noire de crasse. Paris étouffe et le problème devient trop visible pour l'ignorer. On voulait vous demander si vous pensez que l'air de Paris est sain. J'ai 74 ans, mais j'ai jamais vu l'air de Paris aussi mauvais comme il est aujourd'hui. Oui. Vous, madame, pensez que l'air de Paris est sain? Non, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de voitures maintenant. Toutes les saletés qu'il y a, l'air ne peut pas être sain. On ne peut même plus laisser maintenant les fenêtres ouvertes que les odeurs montent. On est littéralement asphyxiés. Le mazout, n'est-ce pas? La combustion se fait souvent très mal. J'ai compris, parce qu'il y a trop de monde à Paris, trop de voitures en particulier, oui. Et c'est très déprimant. Répétons-le, ces témoignages datent de 1968. Et dans les villes américaines, la situation est encore plus critique. En 66, le smog a noyé New York 3 jours durant, tuant près de 200 personnes, selon une étude statistique parue en 67. Le problème de la pollution s'ajoute aux troubles sociaux causés par le développement de l'automobile et la ségrégation qu'il engendre. Pendant les années 60, dans les quartiers défavorisés des villes de l'Est, la disparition des transports en commun a des conséquences dramatiques. Les gens ne peuvent simplement plus se déplacer. Alors on en appelle au président Kennedy, qui le premier reconnaît officiellement l'importance des réseaux de transport en commun dans le bon fonctionnement d'une ville. Une timide politique fédérale incite alors à investir dans ce secteur. Dans un même élan politique, le procureur général des États-Unis, Robert Kennedy, déterre les accusations contre la General Motors et demande une révision du procès de 1951. L'affaire est de nouveau classée sans suite, en 65, mais mise au pilori par la très médiatique dynastie Kennedy et la General Motors, et cette fois identifiée par le grand public comme le fossoyeur du système de transport public américain. Ne manquait plus que la catastrophe. Eh bien, elle survient en 1973, c'est le premier choc pétrolier. L'embargo imposé par les pays arabes de l'OPEP aux alliés d'Israël plonge le bloc occidental dans une crise sans précédent. On a tous en tête ces files sans fin de voitures devant les pompes à essence. L'envoyé spécial de l'ORTF aux États-Unis, Roland Mels, se trouve au bord de l'une d'entre elles pour recueillir la parole des automobilistes en colère. Qui aurait cru que les grosses voitures américaines faites pour consommer tellement d'essence allaient un jour manquer de carburant? Et pourtant, nous y sommes. Voilà la voiture d'INF2 et nous faisons la queue comme tout le monde pour toucher quelques dollars d'essence. Pour beaucoup d'automobilistes, cette crise est artificielle. Elle est maintenue par les compagnies qui stockent en attendant une augmentation substantielle. Il ne faut pas oublier que lorsque les grandes compagnies ont comparu devant la commission du Sénat, on a appris que leurs bénéfices avaient augmenté l'année dernière de 46%, alors que le volume des ventes n'avait augmenté que de 6%. Les pétroliers avaient prévu cette crise depuis des années, disent-ils, et avaient jeté un cri d'alerte. Il n'a en tout cas pas atteint les oreilles des fabricants d'automobiles, qui ont continué à sortir d'énormes modèles à la consommation affolante. Ce choc pétrolier lance aux États-Unis une vague de défiance vis-à-vis des industries du pétrole et de l'automobile, c'est déjà ça. Dans le cadre d'un grand travail de restructuration de l'industrie américaine, un jeune avocat, Bradford Snell, est missionné par le Sénat pour rédiger un rapport proposant, je cite, « une restructuration des secteurs de l'automobile, du camion, de l'autobus et du rail ». Dans un long préambule, il exhume de nouveau le procès contre la General Motors. Et de nouveau, il documente les agissements de la National City Lines et du consortium autobus pétrole caoutchouc, dénoncé il y a voilà 30 ans maintenant par l'excentrique Queen Bee. Dans le contexte du choc pétrolier, les accusations contre la General Motors, accusées d'être les grands méchants de l'histoire, trouvent de nouveaux relais. Un nouveau Kennedy sort du chapeau, Ted cette fois, qui déclare au Sénat en 1974 « Le public est en droit de se demander ce qu'il est advenu de ces transports en commun ». Et le sénateur Joseph Agliotto, maire de San Francisco, bientôt rejoint par celui de Los Angeles, remet une pièce dans la machine. General Motors, dit-il, a mené une action délibérément concertée avec les compagnies pétrolières et les fabricants de pneus dans le but de détruire les transports en commun électriques rapides. Le rapport Snell connaît un tel écho que la General Motors est obligée de sortir de sa réserve et d'envoyer au Sénat ses propres vérités sur les transports terrestres américains. Vérité qui réfute toutes les allégations et les raccourcis de Snell. Non, l'entreprise n'a jamais été condamnée pour conspiration contre les transports collectifs américains. Oui, les tramways étaient déjà vétustes, dépréciés et abandonnés par les Américains. Tout le monde, les pouvoirs publics en particulier, voulaient les voir disparaître. Bref, la thèse d'un complot maléfique de la General Motors contre les tramways américains est largement nuancée par 30 ans de recherche universitaire. Si le fabricant automobile, via ses filiales, a bien profité du déclin inéluctable du tramway et de l'avènement de l'autobus pour s'enrichir, c'est bien l'absence de politique publique en sa faveur et l'engouement des citoyens pour la voiture qui a condamné le rail électrique dans les villes. L'universitaire Marta Bianco, qui étudie cette fameuse théorie du complot, conclut d'ailleurs avec cruauté: et si l'ennemi n'était pas le fournisseur, mais le consommateur? Et si nous avions rencontré l'ennemi et que l'ennemi, c'était nous? En France, ce sont bien les responsables publics qui sont mis face à leurs responsabilités et à leur inaction. En 73, le président Pompidou, au lendemain de la grande messe du Salon de l'automobile, ose pourtant quelques mots en faveur d'une régulation du développement de la voiture. Ça veut dire que dans une grande ville comme Paris, par exemple, il doit y avoir des voies rapides pour traverser Paris du nord au sud, de l'est en ouest et d'ouest en est et autour de la grande ville. Cela pour l'automobile. Cela veut dire aussi qu'il faut favoriser les transports en commun, taxis et autobus d'ailleurs, et par conséquent avoir des règlements qui leur permettent de circuler facilement et que ces règlements soient observés et qu'on les fasse observer, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis ça veut dire inversement que de même qu'il y a des voies en quelque sorte réservées à l'automobile, il doit y en avoir réservées aux piétons. La remise en cause du tout automobile est timide et des solutions pour relancer les transports publics bien minces. Des bus, des taxis. Pour les grandes villes de plus d'1 million d'habitants, on commence alors à construire un métro. En 1975, le secrétaire d'État aux transports du gouvernement Chirac, Marcel Cavaillé, responsable de la relance des transports publics dans les villes, hésite. Il adresse une lettre à l'attention de 8 maires de villes moyennes, trop petites pour accueillir un métro, et pour lesquelles il demande de réfléchir à une alternative, une sorte de métro léger, un tramway qui ne dit pas son nom. Rétro-pédalage le plus absurde de l'histoire des politiques publiques. 15 ans seulement après le démantèlement des immenses réseaux de chemin de fer électrique urbain, le retour du pachyderme du rail est signé. Comme quoi, l'histoire du tramway, qu'il ait été victime d'un complot ou non, résonne bien comme celle d'un dimanche gâchis, mais qui aujourd'hui nous installe dans l'époque d'un tramway nommé Désir. Aujourd'hui, le destin des tramways dont nous parlons avec notre invité Frédéric Errand. Bonjour. Bonjour. Maître de conférences émérite à l'Université de Lille, vous êtes un spécialiste en économie des transports et en urbanisme. Alors évidemment, avec cette histoire de tramway, nous sommes en absurdie, hein, on y reviendra. Mais commençons par la fin. Pourquoi la solution, selon vous, la solution tramway revient-elle en force dès les années 80 en France? Pourquoi apparaît-elle comme une solution idéale pour le transport public dans les villes moyennes et, je dirais même, au-delà de la préoccupation écologique? Eh bien parce que le tout automobile commence à être remis en cause. Alors qu'est-ce que c'est que le tout automobile ? C'est la priorité accordée à la voiture en toutes circonstances. Les autres modes de déplacement peuvent circuler, mais enfin, il ne faut pas qu'ils gênent la voiture. Et cette idée-là, de donner la priorité à la voiture, elle est née dès les années, disons, dès l'entre-deux-guerres. Et elle s'est imposée dans la population et dans le public, dans la société, complètement après-guerre. Tout le monde était favorable à la voiture, qui était considérée comme un progrès formidable. Et de liberté. Un instrument de liberté. Mmh. Enfin, il n'y a qu'à lire les pubs de l'époque. Je peux faire l'article, si vous voulez, pour la voiture. Mmh. C'est vrai que c'est très facile à utiliser. Pour peu qu'on ne soit pas pris dans les bouchons, hein, mais que ça permet d'aller beaucoup plus loin, de partir quand on veut, enfin, de partir en famille. Bref, ça a plein de vertus, bien sûr. Et c'est cela que supportent les... auquel adhère finalement toute la population française, très largement. Mmh. Parce que ça passe au-dessus de toutes les autres considérations, parce que c'est confortable et que c'est pratique et facile, effectivement. Mais comment expliquez-vous que les sociétés occidentales aient pu aller aussi loin dans l'établissement du tout automobile sans penser aux inconvénients ? Parce que ce que vous dites est vrai. Évidemment, même ceux qui ont conscience de ça peuvent prendre plaisir à prendre la voiture. Mais enfin, pollution, embouteillage, sécurité routière, on aurait pu prévoir. Alors, les spécialistes l'ont prévu. On peut trouver dans des travaux dès la fin des années 40, ou même dans l'entre-deux-guerres, mais surtout la fin des années 40 et les années 50, des alertes, notamment par exemple sur la consommation d'espace de la voiture. Les spécialistes étaient déjà très conscients que si tout le monde voulait rouler en voiture, il n'y aurait évidemment pas du tout assez d'espace, et on le constate toujours aujourd'hui. La voiture consomme en fait une place considérable sur l'espace public, en stationnement encore plus qu'en circulation. Quand on fait le total, on obtient des chiffres astronomiques. Enfin, une voiture, par exemple, elle a besoin de 3 places de stationnement, hein, pour faire très simple. Une place au domicile, une place au lieu de travail et une place partagée dans les autres lieux de destination. Donc, si vous n'avez pas ces 3 places de stationnement disponibles, vous ne pouvez pas utiliser votre voiture. Et rien qu'en stationnement, une voiture donc consomme à peu près 65 mètres carrés, soit déjà plus que ce dont nous avons besoin pour nous loger, 40 mètres carrés, y compris nos résidences secondaires, et 15 mètres carrés pour un bureau, y compris les couloirs, la cantine, etc. Donc vous voyez, la voiture consomme une place considérable. Et donc, elle fait craquer les frontières des villes, elle oblige à créer des nouveaux espaces, des autoroutes, des parkings, souterrains, en étage, et ça va transformer considérablement nos villes. Alors, en quoi justement l'histoire du réseau de transport public, pour le coup, on va sortir de la voiture, raconte-t-elle une ville ? Comment les choix en matière de transport façonnent-ils le paysage et la société urbaine ? Alors, il y aurait tellement à dire. Oui, c'est une question un peu générale. J'aimerais revenir sur une chose que concernant ce que votre reportage, enfin ce que vous avez dit. Le récit. Oui, votre récit. Il faut comprendre comment fonctionnaient les tramways dans les années 20-30. Il n'y avait pas de site propre, c'est-à-dire de couloirs réservés aux autobus. Ils étaient ces tramways au milieu de la chaussée. Il n'y avait pas non plus de stations bien définies, on descendait sur la chaussée, directement sur la chaussée. À la demande, quoi. Non pas à la demande, non. Mais dans des lieux précis. Donc, par exemple, je sais pas, moi, Place de la République, à Paris, vous n'aviez pas de station. On s'arrêtait juste, le tramway s'arrêtait au milieu de la place et les gens descendaient au milieu du trafic. Ouais. Alors, ça paraît inouï aujourd'hui, mais pourquoi c'était possible ? C'est parce qu'aussi la circulation était beaucoup plus lente qu'aujourd'hui. On roulait à 10-15... Et moins dense, quand même. Et moins dense aussi, mais si, c'était déjà, ça commençait déjà à être assez dense. Et c'est d'ailleurs cela le problème, c'est que les tenants de la voiture et de la motorisation et de tous ses bienfaits disaient « Mais attendez, ces tramways encombrent la chaussée. » Et il y a des solutions plus souples, plus simples, et en proposant, bien sûr, l'autobus. Alors, le problème de l'autobus, c'est qu'il était beaucoup moins capacitaire, à peu près deux fois moins capacitaire. Hein, pour faire simple, disons, dans les années 30, un autobus pouvait transporter maximum 50 personnes, quand un tramway, lui, en unité double, pouvait transporter 110 personnes. Hein, donc, selon la place occupée, il pouvait transporter bien plus. Ils étaient souvent impériaux aussi, avec un deuxième étage, ouais. Vous voyez, qui permettait de doubler la capacité. Enfin, voilà. Il est accusé, le tramway, d'occuper trop d'espace, de créer des bouchons. Il est aussi pas toujours très fiable. Donc, il peut tomber en panne au milieu de la chaussée. Et pour le dégager, c'est compliqué. Il est aussi assez parfois brinque-ballant. C'est-à-dire, il fait beaucoup de bruit, des bruits de crissement dans les tournants, etc. Enfin, voilà, c'est toute une ambiance qui a été décriée par le lobby auto, mais aussi par ses propres fragilités, par la grande presse. Et puis, il suffit de lire les courriers des lecteurs dans la grande presse. Beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ces mastodontes, ces pachydermes, comme vous avez dit, qui brinque-ballant, il faut les dégager. Et il y avait la population était largement favorable à cette solution. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Frédéric Errand, on a parlé du démantèlement des tramways aux États-Unis, alors complot de General Motors, des caoutchoucs, peut-être. En tout cas, en France, on a démantelé avant l'Amérique. Eh oui. Nous sommes, il faut le rappeler, le berceau de l'automobile. Avec l'Allemagne, nous sommes les deux pays à avoir vraiment mis au point la voiture fin 19e siècle. Elle est à peu près au point en 1900. Facile à retenir. Hein. C'est au salon de l'automobile de 1900, on se dit que elle commence à être fiable et qu'elle va finalement bien se diffuser sur toute la planète progressivement. Et c'est encore ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, dès les années 20, des campagnes de presse, mais où je le redis, tout le monde était d'accord, plus ou moins, pour dire que le tramway était un posé problème. Des campagnes de presse sont lancées pour supprimer, en fait, purement et simplement, le tramway des villes. Et en Île-de-France, et en une dizaine seulement d'années, que tout le réseau va disparaître. Sauf en quelques lignes en périphérie, et surtout à Versailles, où le réseau va perdurer jusqu'en 1958. Alors, pourquoi Versailles? Parce que c'est une ville où il y a des avenues très larges, où le tramway est sur une plateforme spécifique, enfin, un couloir réservé, comme on dirait aujourd'hui, et où il ne gêne pas trop, quoi. Mais même à Versailles, il va finir par disparaître. Et c'est souvent avec une grande nostalgie. Moi, j'ai travaillé, par exemple, sur le tramway de Strasbourg. C'est extraordinaire. C'était pas le premier nouveau tramway en France, Strasbourg? Non, c'est d'abord Nantes, puis Grenoble, d'accord. Puis Bobigny, Saint-Denis-Bobigny. Oui, donc c'est pas le premier. puis Strasbourg. Puis Strasbourg est arrivé un peu plus tard. Mais en 1960, le 1er mai, on enterre le tramway à Strasbourg. Le dernier tramway circule dans la ville et, tenez-vous bien, et cet enterrement va être suivi par 100 000 personnes dans la rue. Le tiers de la population fête. Oui. Ils sont soulagés. C'est-à-dire de façon très ambiguë, puisque sur le tram, il y a écrit « victime du progrès ». Donc vous voyez, on comprend qu'il est victime, mais en même temps, on considère que c'est un progrès de passer à l'autobus. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans cet adieu. Moins de 12 ans plus tard, dès 1972, l'agence d'urbanisme commence à dire « mais il faudrait trouver une solution pour des transports publics plus efficaces ». Car on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne pourront pas rouler en voiture, qui est 30% de la population, on estime, et il faut bien offrir une solution correcte à ces gens-là. Et donc l'agence Urba propose un tramway, et il va y avoir un débat de plus de 20 ans pour que, enfin, en 1992, ça y est, ce soit irréversible, on lance le tramway, en 94, il est inauguré. Alors, quel est votre regard de spécialiste des transports et de l'urbanisme sur la façon dont on a exhumé les tramways, on les a remis au goût du jour? On va prendre l'exemple de Strasbourg, par exemple. Oui, ben, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il fallait relancer les transports publics. Alors on l'a compris pour l'Île-de-France dès le milieu des années 60, dans le schéma d'urbanisme de la région parisienne de 1965, ça y est, le RER est programmé et on va le construire avec un succès extraordinaire. Bien avant Londres, par exemple, enfin. Mmh. Et... En prenant exemple d'ailleurs de Tokyo, qui avait déjà des trains très efficaces qui traversaient toute la ville. Bon, en tout cas, la France a été assez pionnière dans le renouveau du RER. Puis ensuite, pour les villes de province millionnaires, bon, on s'est dit un métro s'est adapté, d'où à Marseille, Lyon ouais. et Lille, on prévoit des métros. Mais pour les villes de moindre taille, un métro paraît surdimensionné et surtout beaucoup trop cher. C'est là qu'on se pose la question, mais que faire pour relancer le transport public? Et le tramway s'impose, à l'évidence, mais un tramway new look, complètement différent, c'est-à-dire sur site propre, c'est le fameux couloir réservé, hein, plateforme indépendante, on disait dans les années 30. Donc un site propre et un look différent. Très vite, on va penser à un plancher bas pour permettre une montée facile des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite dans les tramways. Et la France va même inventer, avec Strasbourg d'ailleurs, le fait de refaire la ville autour du tramway, notamment de façade à façade. Mmh. Et novembre 1994, le tramway de Strasbourg est inauguré. C'est le premier qui refait vraiment complètement la ville autour de sa ligne. Ah, donc vous savez qu'il a été premier dans quelque chose. Oui, c'est il a ça. Été premier voilà. dans le fait de refaire la ville autour de la ligne. Hein. Et avec un urbaniste paysagiste comme Alfred Peter qui va comprendre tout le parti à tirer de cela. Et ensuite, la ville de Strasbourg va être visitée par le monde entier pendant 3 ans. 2 personnes à temps plein vont faire visiter le tramway de Strasbourg, tellement ça va avoir du succès. Et donc aujourd'hui, on parle d'école du tramway à la française. Donc c'est cette idée qu'on peut faire la ville autour du tramway. On appelle ça le tramway urbaniste, finalement. Cette capacité, oui, ce qui définit l'urbanisme. Voilà, il a une capacité à changer l'image de la ville. Quel est votre regard également sur... Alors, on sort un peu du sujet, mais on y reste quand même, parce que le tramway est concerné, sur le Grand Paris. Oh, ça, c'est encore une... Oui, ben, choisissez un autre sujet, mais... c'est une grande question, mais... Le Grand Paris Express, aujourd'hui, on considère que c'est acquis, enfin, qu'il est en pleine construction, les premières lignes vont être inaugurées dans pas longtemps, donc... Mais il a été fortement controversé. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est une solution extrêmement coûteuse et qu'on aurait pu, avec l'argent dépensé, hein, plus de 40 milliards d'euros quand même, faire des choses plus efficaces et surtout plus proches des gens. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on va avoir une vitrine technologique formidable. Hein, on adore ça en France, des choses très puissantes et très. Mais en fait, on aurait pu imaginer moins de lignes. Certaines lignes hein, du Grand Paris Express sont justifiées. La 15 et la 16, on va dire, mais la 17 et 18 sont déjà beaucoup plus controversées. Et avec tout cet argent dépensé, on aurait pu imaginer un maillage beaucoup plus serré, avec plus de tramways. Que ceux qu'on construit aujourd'hui. Merci infiniment, Frédéric Errand. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la disparition des tramways, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.